Bonjour, chères auditrices, auditeurs de Radio Boncon. En ces temps d'isolement, beaucoup de choses nous manquent et troublent notre équilibre. C'est pourquoi je te propose de t'évader un instant par le truchement de la méditation. Cette séance nous amènera donc en camping de festival. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et suis ma voix. Tu te réveilles seul dans la pénombre d'une tente quechua. La chaleur est étouffante et tu as soif, très soif. Tu te redresses et cherches à tâtons de quoi t'hydrater. Par chance, tu trouves une bouteille d'eau presque vide. Tu bois avec avidité les deux gorgées qu'elle contient, et dont la fraîcheur ne parvient pas à te faire oublier que tu as la bouche pâteuse, genre vraiment pâteuse, comme si tu avais avalé 3 cuillères à soupe de cendrier que tu aurais fait passer avec une grande rasade de gros vin rouge qui tâche. Ce constat te donne la nausée. Tu décides donc de sortir prendre l'air. Tu cherches la fermeture éclair de la tente pendant 10 minutes et commences à suffoquer. Au loin, tu entends les premiers festivaliers qui s'éveillent comme des fleurs et qui croisent ceux qui vont se coucher. Tu parviens enfin à ouvrir ta tente. Tu prends une grande inspiration salvatrice et sors péniblement. Tu es accueilli par les exclamations enthousiastes de quelques-uns de tes amis réveillés avant toi. Tu les salues et, ce faisant, tu t'aperçois que tu as la voix complètement cassée. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Pour fuir sa chaleur cuisante, tu rejoins tes amis sous une bâche affaissée au milieu de votre campement, qui vous offre un semblant d'ombre. Prends le temps de visualiser les visages sympathiques et avinés qui t'entourent. En guise de petit déjeuner, un de tes amis aux yeux vitreux mais pétillants de malice t'ouvre une croûte et te l'attend. Tu la saisis et en bois timidement quelques gorgées. Elle est tiède, mais elle passe. Une belle journée s'annonce. Tu échanges quelques anecdotes de la soirée d'hier avec tes potes. Imagine ce qui a pu se passer de drôle. Au bout de 3 fous rires qui réveillent des douleurs dans tout ton corps, tu sens une pression désagréable et insistante dans le bas de ton ventre. Il est temps d'aller pisser. Tu te lèves, roules sur quelques-unes des pierres vides qui parsèment le campement. Et tu te diriges vers les toilettes à l'autre bout du camping. Tu te frais un chemin entre les tentes de secondes vertes, rouges et bleues. Tu trébuches sur quelques sardines et évites comme tu peux les fils tendus sur ta route. Puis tu débouches enfin dans l'allée centrale. En chemin, tu vois quelques drapeaux bretons flotter mollement au passage d'une brise tiède. Tu observes une jeune fille déguisée en banane jouer au 1-2-3 soleil avec un jeune homme déguisé en bière et un autre en slip. L'odeur bien spécifique des toilettes sèches vient te chatouiller les narines. 3 personnes l'attendent déjà. Tu rejoins la queue et discutes avec elle pour passer le temps en dansant d'une jambe sur l'autre. Ton tour arrive enfin. Tu bloques ta respiration et entres dans la cabine. La lecture des petits mots tagués sur les murs t'occupe le temps de vider ta vessie. Essaye d'imaginer ce qui peut être écrit, tout en te concentrant sur l'immense soulagement que tu éprouves en faisant enfin pipi. Tu as fini, et tu te dépêches de sortir pour respirer une grande goulée d'air. Tu te rinces les mains, et tu savoures la sensation de fraîcheur, comme si tu te lavais de tous tes péchés de la veille. Tu rejoins ton campement où quelques amis supplémentaires sont en train d'émerger. L'un d'entre eux te propose une lingette que tu acceptes avec reconnaissance. Tu entreprends de poursuivre ta morning routine en te débarrassant des paillettes de la veille qui constellent toujours ton visage. Tu en profites pour te moucher. Cela te débouche d'un coup les narines et te procure une grande satisfaction. Tu ne peux pas t'empêcher d'entr'ouvrir ton mouchoir pour y jeter un coup d'œil. Tu constates que ta morve est complètement noire de poussière. Tu te brosses ensuite les dents et redécouvres la douceur de l'émail en y passant ta langue. Il ne te reste plus qu'à te changer. Tu retournes dans la tente et te contorsionnes pour enfiler tes vêtements le plus vite possible, car il fait toujours aussi chaud et tu sues énormément. Puis tu ressors, paré à affronter la journée. On te tend une tranche de pain de mie sur laquelle a été tartinée à la va-vite du maquereau à la moutarde. Tu la manges avec appétit. L'ensemble est mou et tiède et ne s'accorde pas très bien avec le goût du dentifrice qu'il te reste dans la bouche, mais ça te redonne des forces. Tu en profites pour boire une bière chaude. Tes amis jouent au loup-garou en attendant que le ventre à glisse commence. Maintenant, concentre-toi sur l'amour que tu éprouves pour cette belle bande de bons cons. Ça fait tout chaud dans le clacos. Ressens pleinement la joie de passer ces quelques jours à l'écart du monde, dans une ambiance festive où le moindre inconnu qui passe peut devenir ton meilleur ami, au moins le temps d'un verre. Repense à ton souvenir préféré sur un camping de festival. Voilà. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Parce que oui, si tu as bien suivi la consigne, il fallait les garder fermés pendant toute la méditation. Mais bon, si tu ne l'as pas fait, je ne t'en veux pas. On est ici pour se détendre et oublier les injonctions. Je te souhaite une très bonne journée. Bisous.